Je crois qu'il se passe un truc dans la rue. Oui. On nous a mis. Vous savez que depuis quelques jours, tout le monde a un petit peu utilisé dans beaucoup de villes les motocrottes. Oui. Ouais, ça cartonne de plus en plus, etc. Ça en enlève de plus en plus. Et maintenant, si vous faites faire caca à votre chien, vous allez morfler. Hein. Ah, grave. Et je rêve où je vois quelqu'un là-bas qui est en train de retourner des motocrottes. Oui, ouais. Ouais. Attendez, excusez-nous. Non, c'est bien moi, c'est vrai. Il est revenu. Mais bien gaffe à ta gueule, mon pote. Paniquer ta race. Va manger ta mère, connard. Mais attendez. Mais c'était chez Boy. Non, c'était chez Boy. Mais c'est vous qui retournez les poubelles, mais ça va pas, vous retournez les motocrottes. Mais bien sûr, moi je suis un gros dingue, je supporte pas la propreté, je suis obligé de tout niquer, je retourne la motocrotte sur le trottoir. Mais vous êtes fou, mais vous êtes en train de tout salir, des chez Boy. Mais c'est bien ça ma vocation, je suis DC Boy, c'est marqué dans mon nom, connard. Les gars, je vais le chercher. Je n'ai qu'une chose à faire. Oui. Je vous demande de l'occuper. Ouais, on l'occupe. Salut, Déchet Boy, regarde, j'ai une peau de banane. Je vais la mettre dans la poubelle. Pendant ce temps-là, je vais chercher quelqu'un. Qui c'est qui sort les poubelles? C'est Poubelleman. Faut pas lui casser les couilles. C'est Poubelleman. Il est vraiment très musclé. C'est Poubelleman. Poubelle, Poubelleman. Oui, c'est moi. Alors, salut les jeunes. Bonjour, Poubelleman. Bon, il faut que je m'occupe de celui qui taille mon costume, là. Qui a fait celui-là? C'est moi, je m'en excuse. Alors, comment vous voulez que je combatte le crime et les ordures, moi? C'est vrai. Je suis... pas crédible. Je suis pas crédible. Pas crédible, man. Moi, Poubelleman, je suis là pour rétablir l'ordre. Alors, qui c'est qui retourne les motos à caca dedans? C'est lui, c'est Déchet Boy. C'est bien moi, espèce de connard. Ah, mais c'est toi, Déchet Boy, mais tu étais mon frère avant. Je sais, mais maintenant, j'ai changé, je suis devenu un Déchet Boy, comme mon nom l'indique. Très bien, alors, voici les super armes pour te combattre. J'espère qu'il va pas sortir des super armes pour me combattre. Voici une super arme pour te combattre. Canard fessé. Voici Aspiramerde. Putain, c'est dur. Oh là là, oh, c'est quoi ce bordel? Merde. Cosmo Swiffer. Comment on fait ça? C'est... le Swiffer, tu frottes. C'est comme ça, le Swiffer, tu frottes. Oh là là, je crois que je suis obligé de sortir les armes nucléaires. Non, non, non. Attention, voici mon arbre magique, Alba l'emballe tout. Et je te mets dedans, elle n'emballe plus. Putain de merde. Ah, vas-y, allez. Et voilà, je l'ai réglé, j'ai réglé son sort à ce bonhomme. Voilà, qui on dit merci qui? Merci Poubelleman. Ouais, je sais, je me suis occupé du bonhomme, je le garde dans le sac poubelle. Vous voulez que je fasse un nœud? Oui. Alors, comment ça va des chez-boys de ton sac poubelle? T'es moins fier? Ferme ta gueule, connard. Arrête, les insultes ne me touchent pas, petite merde. En tout cas, Poubelleman est venu vous sauver. Poubelleman est le roi de la propreté. Oui, oui. Qu'est-ce qu'il y a, petit gnome? Rien du tout. Non, mais c'est à lui que je parlais. C'est pas grave, je réponds quand même. Moi, je disais merci, Poubelleman. Oui, dites gloire à Poubelleman. Gloire à Poubelleman. Mais c'est quoi ces trucs-là? Ah oui, il y a une horreur. Pourquoi c'est autant le bordel? Attendez, ce matin? Quand c'est le bordel comme ça, vous savez, ne dites pas son nom parce qu'il peut arriver. Hein. À tout moment. C'est comme, tu parles de Poubelleman? Oh non, non. Merde. Poubelleman. Bonjour, Poubelleman. Je crois que votre costume a rétréci au lavage. C'est pire en pire. Poubelleman, tu ressembles étrangement à Homme-Trouman. Est-ce que nous avons laissé le costume au stagiaire? Apparemment, oui. Dis donc, petit con, est-ce que tes chemises sont au niveau de tes oreilles? Regarde, t'as pas l'impression que les trous des manches sont pas au bon endroit? Où est la bouche? C'est pas un costume, c'est Halloween. Ah, bougez pas, attendez, je vais le faire moi-même. Voilà. C'est-à-dire que ce con, il a fait les yeux tellement gros que je peux mettre ma tête à travers l'œil. C'est ça. C'est pratique comme masque. Ah, bonjour, Poubelleman. C'est-à-dire que c'est comme si Clark Kent, il avait, voyez, des lunettes et il voit la tête au travers. C'est n'importe quoi. Comment ça va, hein? Bah, c'est un peu le bordel. Oh là. Qu'est-ce que c'est que ça? Bah, y a un monsieur qui est venu, il a renversé toutes les poubelles et tout. Qu'est-ce que c'est que ce studio? Mais comme disent les jeunes, c'est le Dawa. Non, mais attendez, tout est sans dessus-dessous. Mais oui. Attendez, ces traces me rappellent un bien mauvais souvenir. Jadis, j'avais un ennemi juré. Mon frère. Il a basculé du côté obscur d'une poubelle d'un resto chinois lorsque nous étions enfants. Et il s'est transformé en un immonde super-héros super puant qui a voué sa vie à pourrir la mienne. Il s'appelait Déchet Boy. Mais tout ça, n'ayez pas peur, c'est de l'histoire ancienne. Je l'ai éliminé au cours d'un duel dans un lavomatique, je l'ai fait bouillir, et il est devenu propre et il n'est plus existé. Bon, nous n'avons plus rien à craindre, à moins que... Mais qui je vois là-bas? Non! Oh non! Oui, c'est bien moi, c'est vrai. Fais bien gaffe à ta gueule, mon pote! Panique ta race! Va manger ta mère, connard! Déchet Boy! Non! Non, laissez-moi, je suis là, je suis Poubelle Man! Alors, Déchet Boy! Salut, enculé de ta race! Tu te souviens de ma gueule? Mais c'est... je te rappelle que tu es mon frère! Mais c'est vrai, mais j'ai pourtant survécu à la machine à laver, je me suis transformé en Déchet Boy vapeur! Et maintenant, je suis deux fois plus fort! Non. Je vais te niquer ta gueule, Poubelle Man! Non, arrête, tu ne peux pas me faire ça, je suis Poubelle Man super puissant! Oui, mais regarde, est-ce que tu peux contrer mon rouleau de printemps? Non, pas le rouleau de printemps! Est-ce que tu peux coûter le menu 44 avec les sushis? Non! Est-ce que tu peux contrer le menu 72 avec le nem vapeur? Et surtout, non, ne trempe pas ton nem dans la sauce piquante, ça ferait une arme diabolique! Je trempe mon nem dans la sauce piquante! Oh, je suis con, je lui ai dit! Attention, ça faire une arme diabolique. Non. Ta gueule. Non. Vite, il faut mon arme super propreté contre Déchet Boy. Ah non. Aspirateur d'Armor Hager. Ah non, pas l'aspirateur. C'est bon, il est parti. Et voilà, il est dans le sac. Écoutez-le maintenant comme il est moins fier. Laissez-moi acheter le sac. Alors qu'est-ce qu'on dit? Merci, Poubelle Man. De rien, et surtout, soyez propres.